je pense que presque tout le monde connaît Pepita, mais peut-être pas tout le monde. Donc Pepita est un des membres fondateurs, pas membre fondateur, mais un des piliers du CIRA. Mais aujourd'hui, elle va nous parler de son expérience dans le mouvement, dans l'Espagne de 36 à 39, et particulièrement dans le mouvement Mujeres Libres, en français Femmes Libres, à l'occasion de la sortie d'un livre en espagnol, donc dont il reste peu d'exemplaires, dont il ne reste qu'un exemplaire, et qui a été publié par la Fondation Anselmo Lorenzo, dont Pepita nous dira quelques mots aussi, parce que moi je ne peux pas vous en dire trop, je ne sais pas trop ce que c'est. C'est sûrement un centre d'archives. Donc c'est un ouvrage collectif. Pepita n'est pas la seule auteure de ce livre, il y a d'autres compagnes qui y ont participé. Dont elle va nous parler aussi. Et donc on lui laisse la parole. Bon. Il m'a semblé pas nécessaire mais opportun de parler de ce mouvement à la sortie de ce livre, parce que j'arrive de Barcelone et de Madrid à la présentation de ce même livre en espagnol, et à ma grande surprise, il y a eu un succès formidable. Ce qui existait sous forme libre, il est là, c'est Marina qui l'a écrit, et elle nous avait consulté à l'époque pour les archives, etc. Je ne suis pas, parce qu'à ce moment-là, je n'étais pas là, j'étais à la CNT et je ne pouvais pas discuter. Mais enfin, elle a fait un succès formidable avec ce livre, parce que ça a un intérêt. C'était le moment où le féminisme avait un impact très grand en France. Ça s'est un peu effacé, mais à ce moment-là, c'était comme ça. Et ce livre, il a été traduit en 5 langues. Il a été traduit en allemand, en espagnol. En espagnol, elle l'a fait en espagnol, en français, en italien, et en italien c'est moi qui leur ai donné le livre en espagnol pour qu'ils le fassent en italien. Et ils m'ont même dit que dans un pays de l'Est, ils l'avaient fait, je ne sais pas sûr, hein, l'Allemagne c'est sûr. Bon. Ce débat, je l'ai déjà fait plusieurs fois, dans différents endroits, alors je ne me suis pas cassé la tête pour vous faire une présentation spéciale. Et je veux vous lire ce que j'avais écrit à l'époque, en 86, quand je suis allé le présenter à Lyon. Je l'ai présenté à Lyon, je l'ai présenté à Paris, je l'ai présenté à Grenoble, à plusieurs endroits. Mais cette sortie de ce livre, il a été écrit, c'est le seul qui existe, écrit par les dernières survivantes du groupe qui a été créé en Espagne à 36-39. Nous ne sommes pas beaucoup, nous sommes 5 ou 6, pas plus, et même 6, je crois qu'on a 5. Et on l'a financé nous, et on l'a financé nous, et on avait écrit ce livre il y a déjà quelques années, pendant la vie d'une des fondatrices de Catalogne, qu'elle nous avait toutes convoquées à l'époque pour nous demander d'écrire ce qu'on pensait, mais elle est morte il y a trois ans à peu près, deux ans, et ce livre, par miracle, il est perdu, peut-être pas pour tout le monde, mais on ne trouve aucun endroit. Ça fait que quand on se réunit toutes pour décider que quand même il fallait faire quelque chose, puisque de nous, personnellement, il n'existait rien. Et le groupe a eu un grand impact en Espagne, ça a été un grand mouvement qui nous a surpris tout le monde. Et comme on a eu un peu de bagarre, même avec nos compères anarchistes, dans le livre c'est expliqué, je vais vous lire un peu quelques notes que j'avais fait à l'époque. Alors, je suis ici en tant que témoin d'une époque et d'un mouvement Femmes Libres qui a eu un grand impact à ce moment-là. Mouvement féminin et non féministe. Parce qu'il y a eu des erreurs des fois. Parce qu'il y avait des féministes qui n'acceptaient pas les hommes et on ne voulait pas rentrer. Alors on a voulu bien faire comprendre que notre but n'était pas celui-là. Et je fais la différence car dans l'actualité, le mot féminisme se prête à beaucoup de confusion. Je m'expliquerai à ce sujet. Mais auparavant, je dois essayer de le faire un petit historique sur la condition de la femme vers les années 30, mon époque. Ainsi que la situation sociale, ce qui peut vous expliquer, à vous qui ne l'avez pas vécu, bien des choses. Parce que c'est vrai que pour l'Espagne, c'était un truc très important. Je vous signale néanmoins que lors des événements de 36, la Révolution espagnole, j'avais tout juste 16 ans. Et demi, ce qui peut vous paraître bien jeune, mais ceci montre aussi, mérite aussi une explication. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en Espagne, il y avait un syndicat CNT, anarcho-syndicaliste, qui avait une grande influence parmi les travailleurs. Ça, c'est un peu historique pour que vous compreniez pour la suite. Lutteurs désintéressés menaient leur lutte en payant de sa personne, ne se contentant pas de faire les meneurs, ils étaient toujours à l'avant, d'où l'adhésion du peuple à ce syndicat. Vers les années 30, le peuple était en effervescence. Après la République de 31 et les républicains au pouvoir, tout le monde croyait que quelque chose avait changé. Et cependant, nous voyons en 1933 le mouvement des Casas Viejas. Il faut expliquer que c'est un mouvement où ils avaient déclaré dans ces villages le communisme libertaire. Et il y avait la République, et il y avait presque ceux de gauche au pouvoir. Et ils ont fait un carnage, ils ont tué tout le monde. Hein. Révolte qui éclatait en Andalousie et ailleurs, et où le peuple avait décrété le communisme libertaire. La réponse qui s'ensuivit fut féroce, et où le mot d'ordre de gouvernement fut ni blessé ni prisonnier. C'est important de raconter ça, ni blessé ni prisonnier. C'est-à-dire qu'il faut les éliminer, et c'est ce qu'ils ont fait. Ce qui sous-entend des mots massacre, un massacre de la famille Seisdedos, qu'on appelait, crise du gouvernement et élection juste après, et où la CNT avait largement diffusé l'abstention. Au vote, ce qui donna la droite victorieuse, avec un député communiste dans la coalition. 1934, 6 octobre, soulèvement des partisans de la Catalogne libre. Donc c'était le moment où la Catalogne voulait faire non seulement l'autonomie, sinon la séparation complète. Alors ils ont fait un soulèvement, ils ont voulu faire la révolution, mais ils ne se sont pas arrivés. On les appelle les Escamours, que c'est la police de la Generalitat de Catalogne, où leur président Compagnie déclarait à la radio, à ce moment-là, quand ils ont sorti, « Mes chers concitoyens, je déclare l'État catalan à l'intérieur de la République fédérale espagnole. » Cependant, un peu plus modeste qu'actuellement, qui veulent simplement être tout seul, parce qu'ils lui disaient, nous autres seuls en catalan, donc on veut être seul. Lui, quand même, c'était le président, et il avait compris qu'il allait se trouver, et il préférait. Merci. Excusez-moi. Il préférait donc quand même dire que dans l'État fédéral de l'Espagne. Alors, suite, soulèvement qui fut étouffé tout de suite par la police. Et les combattants abandonnés dans le désordre qui suivirent les armes dans les caniveaux, que profitèrent ceux de la CNT pour les ramasser. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ils ont tellement fait vite qu'ils ont tout jeté, et les copains qu'ils ont imaginé que cela allait se passer, ils ont vite ramassé tout ce qu'ils avaient, ce que pour plus tard, ça nous a servi un peu par contre. Mais auparavant, le pouvoir en place s'était changé. Comme une fois de chercher, comme une fois encore de ramasser tous les militants sénétistes en les emprisonnant. C'est-à-dire, il y a eu encore les syndicats fermés, tous les sénétistes en prison. C'était le moment où il ne fallait pas les laisser libres parce qu'ils allaient fomenter quelque chose d'autre. Grève qui s'en subirent, agitation populaire, situation très survoltée, et dans tout cela, une Espagne de plus en plus chaotique. Rien n'avait été fait pour le peuple. Des grandes promesses avant les élections, le peuple de plus en plus pauvre, de plus en plus laissé pour compte, pas beaucoup d'école. Ça, je vous explique pour que vous compreniez la suite. Suite au rêve, les enfants que nous étions, j'avais 12 ans à l'époque, devions laisser l'école pour le travail, il fallait vivre. Au marché du travail, et encore enfants, nous entendons parler du syndicalisme CNT, homme qui ne se contentait pas de revendiquer l'augmentation des salaires seulement, mais aussi le droit à la dignité, à la culture, surtout à la culture. Ouvrant un peu partout par les moyens des athénées libertaires, des classes d'alphabétisation, des débats, etc. Tout cela malgré que souvent et tout le temps, ces hommes étaient emprisonnés. Alors, 36, ce n'est donc pas par hasard si l'esprit, je ne peux pas tout raconter d'un coup. Ce n'est pas donc par hasard si l'esprit révolutionnaire couvait un peu partout et si au mois de juillet 36, le 19-20-21, ces hommes-là se lancèrent à la rencontre du soulèvement militaire. Car contrairement à ce que l'on disait, les anarchistes ne se lancèrent pas à la rue pour faire la révolution, ils le firent pour se défendre de la réaction et du fascisme. La révolution est venue après. Même s'ils en profitèrent pour mettre en pratique leurs principes. Le gouvernement laissa paraître la situation, laissa courir la situation, sachant pertinemment que quelque chose se préparant, ne donnant pas des armes au peuple, si la CNT, que depuis quelques jours déjà attendait, puisque les militants couchés dans les syndicats, c'est avec les armes récoltées lors du 6 octobre 1934, je l'ai déjà dit, et celles prises dans les armureries. Je vous signale que tout ça, je l'ai vécu personnellement, parce que j'ai été dans ce syndicat, parce que je suis rentré très jeune, à 16 ans, et à 14 ans, qu'est-ce que tu dis, c'est ça, à 14 ans, et il m'a pris le 19 juillet, justement, dans un de ces syndicats, au moment de la révolution. Qu'ils firent front avec l'aide spontanée du peuple qui les suivit. Et je dois témoigner que le premier jour du soulèvement, aucun drapeau autre que le rouge noir ne se voyait dans les rues de Barcelone. Ça, c'est une réalité. 19, 20, 21 juillet, que ça a été le moment où Ascasio est mort à Taratana, c'est là où j'étais justement. Et bien, les autres, ils ont pris le train en marche de suite après. Mais à ce moment-là, il y avait même les taxis et les voitures, ils faisaient « ce n'était pas ». Il y a d'autres ici qui peuvent me dire si c'est vrai ou c'est pas vrai. Je ne vais pas m'étendre. Vous connaissez déjà les faits. Mais je pense que ces explications sont nécessaires par la suite des événements. N'oublions pas que dans ces conditions, il y avait un grand travail à faire pour l'émancipation tout court. Et je vais en venir au sujet qui nous occupe des femmes libres. Ce mouvement, donc des femmes libres, et je vais le dire d'abord par. Enfin, je ne vais pas faire, je vais le dire. Voilà. Tu as raison, hein, parce que j'ai bu de l'eau chaude et je la bouche complètement. Celle-là, elle est bonne. Hein. Ce mouvement a été un détonateur pour tout le monde, libertaire compris. Car dans une Espagne rétrograde machiste avec une emprise très forte de l'Église et le machisme hérité de 8 siècles de domination arabe, ne pouvait que faire boum, et ceci parmi tous les hommes en général. Je dis tous les hommes en général en comptant les Arabes. Merde. Ces femmes fondatrices de ce mouvement, ces femmes, hein, tu n'entends pas? Je crie plus fort? Viens plus près. Rapproche-toi. Ces femmes fondatrices du mouvement ont compris le besoin de ce mouvement, même si au point de vue libertaire, cela leur paraît un contresens. Il est évident que les libertaires, dans leur idéologie, réclament la liberté entière pour tous sans différence de sexe. C'est pour cela que presque jamais les militants comme les jamais les militantes connues de l'anarchisme international n'ont jamais été des féministes, dans le vrai sens du mot. Je pense à Louisa Michel, et mon roman, en passant par Teresa Claramunt, Soledad Gustavo en Espagne, sans oublier Federica Montseny de nos jours, elle est morte depuis. Le moment s'est prêté à cette lutte féministe qui n'était telle que pour le mot. Car le but de ses camarades était de faire comprendre à ces femmes qu'elles n'étaient pas seulement des reproductrices, elles étaient aussi des êtres humains, à part entière. Et ceci vu la situation de la condition de la femme en Espagne alors. Elle ne pouvait le comprendre qu'en étant entre elles. Parce qu'on a essayé de le faire parmi les groupes donc, mixtes, et ça ne prenait pas. Car parmi les hommes, elle n'arrivait pas à s'exprimer. Et là, j'en viens à ce que je vous disais de la différence entre féminisme et féministe. Car ce n'était pas notre propos de le faire, une classe à part, sinon tous ensemble, hommes et femmes, combattre pour la même cause. C'est cette théorie que j'ai défendue toujours. C'est pour cela que c'est bien après que je rejoins le mouvement, car ça mérite une explication aussi. Je militais dans la jeunesse libertaire et à la CNT, et quand le groupe qui s'est fondé, je ne l'ai pas dit, mais je pensais le dire après, il s'est fondé au mois d'avril 1936, c'est-à-dire 3 mois avant que la révolution éclate. Donc le groupe était en train de se chercher. Et effectivement, c'est après qu'il y a eu la révolution qui a pris un essor beaucoup plus important. Et les filles s'étaient venues me voir, là-bas où j'étais, au syndicat des métaux, que c'est un syndicat que ce n'est pas de ma branche, mais que c'est mon syndicat de cœur, je le raconte dans mes mémoires. Et je leur ai dit que ça ne m'intéressait pas. Parce que je maintenais la position que Federica Monseigne a maintenue longtemps, que c'était ensemble, hommes et femmes, qu'on doit faire libérer la condition humaine, ensemble, hommes et femmes. Il n'y a pas de différence dans le mouvement anarchiste. Seulement, bien sûr, la théorie c'est une chose et la réalité une autre. Hommes et femmes combattent pour les mêmes causes. C'est cette théorie que j'ai défendue toujours. C'est pour cela que c'est bien après que je rejoins le mouvement, car auparavant, moi non plus, n'étais pas trop d'accord. Il s'est avéré nécessaire de le faire car nos compagnons, accaparés par d'autres préoccupations, n'ont pas compris le désir de leurs propres compagnons. Donc ça, c'est un début que j'avais fait. Là, je vais vous dire les fondatrices, d'abord, et après on expliquera le reste. Les fondatrices ont été, et justement, j'ai porté un livre qui est là, qu'on vient de le recevoir, et ça m'a fait bien plaisir, parce que si quelqu'un de vous a vu le vidéo qui s'agit de Toda la Vida, il y a quelqu'un qui l'a vu, vous noterez que dans cette vidéo où je apparais, je suis la seule à avoir dit que Lucía Sánchez O'Neill, elle était lesbienne. Elle était lesbienne. J'étais la seule à le dire. Je l'ai connue. Et moi, je l'ai dit toute connaissance de cause, mais sans aucune arrière-pensée. Parce que moi, ça ne me gênait pas du tout, d'abord. Elle, ça ne la gênait pas du tout, elle assumait. Et je me suis fait jeter par tous les copains. Je me suis fait agressé par tous les copains quand la vidéo est sortie, parce que j'avais osé dire que Lucía Sánchez O'Neill, elle était lesbienne. Seulement, ces vidéos, c'est des Américaines qui l'ont fait. Et moi, j'avais pas dit que ça, j'avais dit, ils m'ont coupé juste quand je dis qu'elle est lesbienne. Mais par la suite, j'ai ajouté, mais c'est pas ça qui a fait qu'elle nous fasse la propagande du lesbianisme, pas du tout. C'est-à-dire, elle n'a jamais dit aux copines, moi, je suis lesbienne, il faut que vous le soyez, jamais, jamais, vous me questionnez. Mais c'est une fille extraordinaire, intelligente, poétesse, elle a écrit dans tous les journaux, enfin. Juste pour te... La brochure dont tu as parlé, c'est parce que c'est un groupe de la Fédération anarchiste qui a pris le nom de Lucía Sánchez O'Neill. Le nom de Lucía Sánchez O'Neill, justement. Donc, la brochure n'est pas consacrée à Mujeres Libres, mais c'est l'auteur de cette brochure qui parle d'un tout autre sujet qu'est la construction européenne. Voilà, non, mais ça fait rien. Oui. Ils disent non, c'était pour préciser qui... quel rapport entre la brochure... Et puis quand même, là, publiquement... Oui, non, mais il lui rend hommage. Il lui rend un hommage, je comprends, mais elle méritait l'hommage. Ah, elle, tout à fait. La présentation, justement, le groupe ayant repris son nom, elle a présenté la personne. Voilà, non, mais ils disent exactement ce que je dis, moi, dans la vidéo. Et j'étais la seule, parce qu'on a été beaucoup des compagnes, qu'on a fait le témoignage. Et les filles américaines, elles me l'ont dit, tu es la seule, j'ai dit, écoute. Et moi, justement, je l'ai fait parce qu'elle m'avait tellement marqué cette femme, elle était plus âgée que moi, bien sûr. Et par son intelligence d'abord, et par sa forte personnalité à laquelle elle assumait tout, tu comprends? Et moi, ça m'avait. Parce que bon, en Espagne, vous le savez, à cette époque, bon, hein, l'homosexualité, même chez les anarches, c'était pas très bien vu. Hein. Mais enfin, nous, on n'est pas ni contre, ni pour, ni rien, chacun vit sa vie comme il veut. Alors, très intelligente, elle, je la salue parce que ça a été une femme qui m'a beaucoup marqué. Mercedes Comaposada est journaliste. Mercedes Comaposada, c'est elle qui devait nous faire le livre et qui est morte récemment. Elle était la secrétaire de Picasso. Et en plus, elle avait son compagnon qui était un sculpteur très connu en Espagne. Et récemment, j'ai vu qu'on y a fait un hommage en France aussi. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps parce qu'on y a fait le reportage en Espagne, mais seulement Mercedes elle est morte dans ses entrefaites, elle n'a pas pu donc. Et Mercedes Comaposada, elle m'a beaucoup marqué parce que nous, quand nous étions des filles très jeunes, ça a été notre pédagogue. C'est-à-dire, elle, c'est celle qui s'est occupée de toutes les jeunes que nous sommes arrivés à Femmes Libres et qui nous a préparés pour faire la propagande des Femmes Libres. Parce que c'est vrai que nous étions encore un peu inexpertes, hein, on n'avait pas du tout la possibilité de pouvoir aller faire des sorties et expliquer le mot avant. Elle nous a tellement préparé que je vous assure qu'à l'époque que j'étais jeune, j'en savais plus que maintenant que je suis une vieille mémère. Après, il y avait Amparo Poque Gascon, pédiatre. Un grand débat pour elle, c'était le problème, c'est l'enfant, était en pédiatrie. Suceso Portales, qui vient de disparaître récemment à Madrid. Suceso Portales, j'ai une grande peine d'en parler parce que je l'ai revu après plusieurs fois et on a un grand souvenir ensemble. En Catalogne, c'était Soledad Estorac et Conchita Liaño. Et Conchita Liaño, elle est venue avec moi à Madrid récemment présenter le livre, les Femmes Libres que vous avez en main. Et ça a été émouvant parce que les compagnes de Femmes Libres de Madrid sont un groupe très important et très vivant, très actif, et de se trouver les deux uniques survivantes de Catalogne, c'était émouvant et en même temps, ça nous a fait plaisir de voir qu'elles avaient fait un travail extraordinaire à la présentation de ce livre. Bon, là j'avais mis l'autre papier, et justement je parlais de la Constitution, donc 36 avant la guerre, Congrès de Valence en 1937, parce que c'est en 36. Et Mercedes, justement, elle m'avait dit que depuis 1933, elle avait fait des sondages dans toute l'Espagne et ils avaient reçu un grand accueil de toutes les femmes. Donc c'était le moment où elle prépare ses groupes, mais ils l'ont fait 36 avril avant la Révolution. Alors, le Congrès de Valence s'est créé en 1937, où la fédération, c'était une petite fédération, a été définitivement constituée en comité des différentes régions. C'est-à-dire, il y a eu la région de Catalogne, la région d'Andalousie, il y en a eu de partout. Finalement, ce groupe, il a rendu à l'extrême qu'avant de partir en exil, il y avait plus de 20 000 femmes qui étaient adhérées au groupement. Plus de 20 000. Donc, c'était très important. Alors, on s'est occupé, avec Amparo Poque Gascon qui était pédiatre, des maternités. Les compagnes, on avait préparé des compagnes pour aller aider dans les maternités, en même temps préparer les femmes. On a fait des écoles, on a fait plein de choses. Et on a fait aussi, et là il faut quand même parler, que les libératoires de prostitution, que ça a été pas tellement important parce que, bon, tout de suite après on a eu des problèmes. Mais on a préparé ces libératoires pour les femmes qui voulaient se libérer d'être des prostituées. Bien un peu, si vous les mettiez, on les mettait en chemin pour qu'elles décident elles-mêmes ce qu'elles devaient faire. Hein. Et il y a eu un truc parce que finalement, là je le raconte parce que c'est une anecdote, si ça vous arrive aux oreilles, pour que vous le sachiez. Il y a un journal en Espagne qui s'appelle El País. Allumez la lumière, s'il vous plaît. Qui s'appelle El País, qui est très connu. Et il a fait un grand spécial, les personnages du XXe siècle. Personnages du XXe siècle. Alors, ces personnages du XXe siècle, ils ont inclus notre compagne anarchiste Federica Monseni comme un des personnages du XXe siècle. Alors, à ma grande surprise, dans un journal espagnol que nous avons en exil, je le vois, Federica Monseni, personnage du XXe siècle. Et ils avaient dit, à la fin, ce qu'elle avait été, ministre de la Santé, etc. Et après, ils ont dit, elle a créé les centres de prostitution libre. Je vous dis parce que, écoutez, et je ne veux pas me blâter, mais moi je l'ai relevé tout de suite. Je dis, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Alors j'ai écrit tout de suite au journal, à notre journal, parce que je pensais que peut-être c'est eux qui s'étaient trompés en écrivant. Alors ils m'ont répondu dans le même journal en me disant qu'ils ont écrit tel que, ils étaient flattés qu'on ait parlé de Teddy Carousel, mais qu'ils n'avaient pas fait gaffe. Alors pour les copains, ils ne fassent pas gaffe à un truc pareil. Vraiment, c'est grave, hein? C'est grave. Bon, ça n'a pas fini là. Je suis allé faire un voyage en Espagne et j'en ai parlé à les copines. À ce moment-là, il y avait un groupe en Catalogne. Il n'existe plus parce que l'animatrice, elle est morte. Il s'est un peu flambé, un peu baissé. Et inutile de vous dire que je me suis empressé d'aller chercher ce 20e siècle, à ver effectivement qu'est-ce qu'il y avait écrit. Et les compagnes m'ont trouvé. Donc les originaux m'ont fait des photocopies, effectivement, ils l'avaient mis comme ça. Donc il fallait que ce soit la CNT qui fasse le compte rendu au pays pour faire dire que c'était pas ça, mais ils l'ont pas fait. Alors, non seulement ça, sinon qu'il y avait des copains qui écrivent à ces journaux souvent, et à tous je leur ai demandé, je vous dis ça parce que ça m'a beaucoup frappé cette histoire. Et je leur disais, vous n'avez pas vu ce qu'il y a dans le journal? Je ne voulais pas être moi à écrire au pays, ce n'était pas moi, c'est l'organisation qui devait faire l'éclaircissement. Alors il y a un copain qui m'a dit, bien sûr, alors je lis tout le livre, le Zénith, c'est Zénith, à un copain. Il me dit, ah bien sûr que je le lis, moi je suis, ce que j'ai dans le cœur, je l'ai dans la bouche. Hein. Des fois je devais que fermer la bouche et pas dire les choses parce que je me crée des ennemis. Et à ce copain, je lui ai dit, tu es sûr que tu le lis? Ou tu lis les articles que tu as écrits pour voir si tu les as fait tels que tu les as écrits? Oh, comme tu es, toujours tu attaques. Je dis, oui, j'attaque. Parce que si tu as lu, tu dois avoir remarqué quelque chose. Alors je lui ai dit, voilà. Alors j'avais porté la photocopie. Maria, je ne l'avais pas vu. Il n'avait pas vu. Il avait lu le journal, mais il n'avait pas vu. Alors je lui ai dit, écoute, je voudrais que puisque tu écris à Zénith, tu essayes avec moi de faire cette différence et que quelqu'un s'occupe de faire le démenti. Alors il le fait, il me dit, ah moi ben, j'ai écrit, mais je dis que c'est toi qui me l'avais dit. Ah, je dis, c'est pas ça que je voulais. Moi je voulais que ce soit toi de ta part, que tu dises, moi aussi, j'ai remarqué ça. Bon, mais ça fait rien. Le fait est que il y a un imbroglio, et puis après j'écris encore à Solidaridad Obrera, et alors de mettre Liberatorio de prostitution, ils ont mis laboratoire de prostitution, c'est-à-dire que le truc, chaque fois, ça grave, non libératoire, pas de libératoire, centre de prostitution libre, et laboratoire de prostitution, c'est-à-dire que toute la chaîne continue à dire vrai. Je vous dis ça parce que tout ce qui est écrit, ça reste. Et le pays, c'est un journal très connu. Et s'il y a des historiens qui se prennent cette vérité comme effective, moi je l'aurais dit, j'ai fait un article qui s'appelle Les anarchistes, je l'ai écrit en disant, si les historiens auxquels je me méfie beaucoup, je me méfie beaucoup parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été mal dites, là, ils écrivent ce qu'il y a d'écrit, dans quelques temps, Frédéric Amundsen restera dans l'histoire comme la Célestine de l'Espagne. Exactement. Bon, moi j'ai voulu l'éclaircir, j'ai fait ce que j'ai pu, mais comme les copains ne m'ont pas suivi, peut-être qu'un historien un jour, il va se décider à dire ça. Bon. Alors, là, on a fait aussi, Frédéric Amundsen était le ministre de Santé. Et les femmes libres, le mouvement femmes libres, ils ont beaucoup insisté pour lui faire mettre une loi. Et elle a été prise, elle a été votée d'avoir la. Je le dirais. L'avortement libre et gratuit. Donc l'avortement libre et gratuit, ça a été créé donc, pendant la Révolution. Et il ne faut pas oublier que nous avions, et ça il faut le dire aussi, il y avait une revue qui s'appelait Estudios, Génération Consciente, que c'était déjà dans les années 20. Et dans cette revue, bon, elle était très en avance sur ce qu'était l'Espagne. Il parlait déjà de la fécondation volontaire, de la maternité volontaire, et de l'anticonception, mais il n'existait pas les pilules, il n'existait pas. La seule méthode qui existait, c'est une méthode qui s'appelait Ogino. Et cette méthode Ogino, il a fait faire à beaucoup de petits Espagnols en Espagne. Bébé Ogino. Parce que, non, parce que, non, elle était vraie. Je vous dis ça parce que je l'ai pratiquée. Seulement, il faut la pratiquer au poil. C'est-à-dire qu'il faut avoir, il faut avoir la liste d'époques fécondes et des époques non fécondes. Et sans cette liste, tu ne peux pas le savoir. Ça, c'est le plus important. C'est même à l'heure dans la journée, je crois que c'est... Non, non, ce n'est pas l'heure. C'est, ça dépend quand il y a des règles. Certaines dures, ça commence, je ne veux pas m'étendre parce que c'est une méthode qui est vraie, efficace, mais à condition que les femmes la suivent au pied de la lettre. Mais comme la méthode, on n'avait pas comme ça avec les jours, et au milieu des époques fécondes, il y avait un trait où il ne fallait pas dépasser. Et quand tu le savais, c'est ça, c'était bien, mais on ne le savait pas tout le monde. Donc ça n'existait pas ça, ni la pilule, ni rien. Le problème. Et le problème sexuel était un problème pour tout le monde. Là, je l'ai déjà dit, la question de lesbianisme, c'est pas la peine. Alors, je voulais expliquer que notre but à nous, c'était pas de vouloir remplacer l'homme. Jamais je pensais que je voulais prendre la place d'un homme. Je me sens très bien en femme, la fois, vous voyez, je mets un collier. Je me sens très féminine. Et je n'ai pas envie de faire des choses qui ne me plaisent pas. Et je trouve que chacun est à sa place, mais ça ne nous empêche pas de connaître la liberté de pouvoir être libre entièrement, en tout et pour tout, et des êtres humains au même niveau. Alors, voilà. Alors, nous avons eu le problème en Espagne, ça il faut l'expliquer. Et je vous explique pourquoi je suis rentré à Femmes Libres. Parce que j'étais dans les jeunesses libertaires et je militais beaucoup à ce moment-là. Donc je suis rentré. Francis s'est formé Femmes Libres. Je suis rentré au début 37. Ils sont venus me chercher. Je leur ai dit que je ne voulais pas parce qu'il me semblait que c'était un contre-sens et tout. Mais pendant ces entrefaites, vous savez qu'à la guerre d'Espagne, le Parti communiste a pris un impact trop grand puisque nous avons eu la contre-révolution du 3 mai. Mais ça, je n'en parle pas parce que ce n'est pas le moment des femmes libres. Seulement, dans les jeunesses libertaires, ça s'appelait, moi quand je l'ai quitté, c'était, ça s'appelait Jeunesse Libertaire. Mais après, ça a été FIGL, donc Fédération Ibérique de Jeunesse Libertaire pendant la guerre. Alors, je ne sais pas d'où est sorti, mais il y a quelqu'un qui a proposé que pour combattre toutes les femmes qui sortaient de tous les groupes istes, communistes, marxistes, enfin, tout et tout, on devrait faire, dans les jeunesses libertaires, un secrétariat féminin pour combattre toutes ces femmes alors qu'il existait le mouvement des femmes libres. Moi, je ne sais pas, j'étais jeune, mais il me semble que j'étais bien en avance, parce que quand j'étais délégué à la fédération locale, je vous explique, délégué ça veut dire qu'il y avait des jeunesses libertaires dans différents endroits, soit les villages, soit dans les quartiers, soit dans les syndicats, et on avait une réunion par semaine au comité local de Barcelone avec les délégués qui représentaient chaque section. Et j'étais délégué donc de ma section à la fédération locale. Et c'est là qu'il s'est proposé c'est tout de faire le secrétariat féminin. Je ne sais pas, je réagis spontanément comme je réagis tout le temps, mais alors, violemment aussi. Je dis quoi ? Un secrétariat féminin dans les jeunesses libertaires alors que nous avons un groupe de femmes anarchistes qui s'appelle Femmes Libres, qu'est-ce que ça veut dire ça? Nous allons faire aussi la concurrence à nos campagnes. Là je dis je ne suis pas d'accord, bon je ne suis pas d'accord, mais ça il devait se discuter. Total, que ça s'est discuté dans chaque section et ils ont décidé qu'on ferait un secrétariat féminin. Il faut dire qu'à l'époque les hommes étaient majoritaires. C'est pas étonnant qu'il y ait eu quand même le vote pour. Hein? Peut-être qu'ils voulaient s'en défaire aussi de ces femmes qui avaient dans les jeunesses. Je dis peut-être parce qu'il y a beaucoup de suites, hein, tout ça. Bon, alors, il s'est créé ça, et ça a été ma décision de partir de Jeunesse Libertaire pour rentrer à Femmes Libres. Et c'est en rentrant à Femmes Libres que je me suis aperçu de bien fonder, parce que je n'avais pas encore très clair cette histoire de féminisme, de bien fonder de ses compagnes. Parce qu'il a fallu, dans les tracts et dans tout ce qu'on publiait dans le mouvement anarchiste, on disait toujours les trois branches du mouvement anarchiste. Alors les trois branches du mouvement anarchiste, c'était CNT, FAI, FGL, donc les jeunesses libertaires. Et notre but à nous, femmes libres, ça a été d'ajouter femmes libres. Mais une lutte acharnée, hein, une lutte acharnée que nous n'avons pas réussi à nous faire. Nous avons pas, dans le livre, ça l'explique. Hein. Mais moi, je vous le dis parce que moi, j'étais acharné aussi. Malgré l'aide que nous avons eue des Marolbans, que j'ai eu la chance de connaître à Barcelone, elle est venue nous voir, une femme extraordinaire qui m'a beaucoup marqué, elle nous a épaulés. Et je vais vous lire un article qu'elle a écrit après que les copains, dans un plénum, ils ont refusé de nous accepter comme une branche de plus de mouvement anarchiste. Sans aucun doute, les femmes de divers pays ont fait la vraie révolution. Ça, c'est Marolman qui parlait. Je fais la traduction. Pour réussir ses droits sociaux, politiques et éthiques. Elles y ont réussi à force de beaucoup d'années de lutte et d'être vaincues des fois, mais réussissant finalement à la victoire. Il parle des femmes autres que les Espagnols. Hein. Malheureusement, l'on ne peut dire de même dans tous les pays. En Espagne, par exemple, ça c'est le moment où elle nous a aidés et qu'elle a écrit cet article, la femme est considérée très inférieure à l'homme, comme seul objet de plaisir et productrice d'enfants. Cela ne me surprendait point si c'était seulement les bourgeois qui pensaient ainsi. Mais c'est incroyable de constater la même antidiluvienne concept entre les ouvriers et même parmi nos propres camarades. C'est-à-dire qu'elle a compris que la lutte féminine, elle était encore à faire et que même nos copains. Bon, ça c'est l'article, je tenais à vous le lire. Bon, elle nous a aidés, on a bataillé, on n'a pas réussi, on a continué notre lutte, mais comme je vous racontais, Mercedes Thomas Posada, ça a été notre pédagogue, il y a toutes les jeunes, parce que j'avais 16, 17 ans à l'époque et tout ça, elle nous a tellement préparés qu'on savait, elle nous avait préparé un truc que je vais avoir par là. La femme, je dis ça parce que dans le livre, il manquera ça. Elle nous avait envoyé, quand on faisait le livre, un questionnaire pour que tout on écrive. Et dans le livre, ça ne y est pas parce que ça a disparu. Moi, j'ai la copie que moi, j'avais envoyée. Parce que bien sûr, ça, c'est intéressant si, par exemple, toutes les copies me répondent parce qu'on voit si on est d'accord. Mais je publie quand même les questionnaires qu'elle nous avait envoyés. Et le questionnaire, c'était sur le poste dans le comité régional. Parce que moi, j'étais, donc quand je suis rentré, je commençais comme ça, mais après, j'étais secrétaire de propagande au comité régional de Catalogne pour Femmes Libres, ce qui m'a permis d'aller de propagande dans toute la région de Catalogne, alors qu'on disait que les femmes étaient retardées en Espagne et tout. Et je suis allé dans toute la Catalogne, dans les pays où il y avait que les paysannes, et je suis resté, moi, complètement surprise de trouver ces grands impacts chez ces femmes qui en avaient marre d'être déjà dominées par le racisme. Là, je l'ai trouvé, on n'a pas eu rien de demander. Sur le poste, dans le comité régional. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous en pensez du travail que vous faites? Pourquoi je suis entrée à Femmes Libres? Ça, c'est un questionnaire que nous avions demandé. C'est dommage que dans le livre, ça ne soit pas. Mes activités dans le mouvement de femmes libres. Je vous dis, qu'est-ce que c'était, femmes libres? Donc elle voulait savoir si toutes ces filles qu'elle avait préparées, nous avions nos trucs très clairs déjà de ce qu'elle nous avait enseigné. Parce que ça, elle l'a fait en exil. Hein. C'est un questionnaire qu'elle nous a fait en exil. C'est pour ça que là-bas en Espagne, c'était la préparation et pas seulement que ça. Pourquoi elle était spécifique? Donc spécifique féminine. Pourquoi elle était autonome? Pourquoi organisation et pas association? Parce que d'abord, ça a été une association. Mais organisation, c'était plus important, parce qu'il y a eu le comité national et tout. Hein. Alors, ma pensée, comme mère, comme productrice et comme femme, large éventail. Féminisme politique et féminisme humain. Là, j'ai la réponse, je l'ai bien fait. Amour libre, convivance, comme on dit en français, convivialité. Vivre ensemble, mais... Convivialité. Hein? Oui, non, mais c'est le fait de vivre ensemble, ah, oui. Sans être marié, ouais, je pense. Quand vous êtes ensemble. Au cubinage. Hein? Union libre. Union libre. Voilà. Union libre. Et problème sexuel. Ça, c'était... Quand on faisait les débats sur le problème sexuel, là, il y en avait du monde. Les copains et les copines et tout. Hein? C'était une chose. Et j'aurais beaucoup de trucs à dire, mais je préfère pas. Je préfère pas parce que je suis très critique sur ça. Sur quoi? Ah oui, on va lui poser les questions. On va lui poser les questions. Non, je dois dire aussi, parce que je l'ai dit, que j'ai quand même critiqué beaucoup mes compagnons, mais je les ai compris aussi par la suite, parce que c'était un moment où il y avait la révolution en Espagne, il y avait le front, il y avait l'économie du pays à mettre en place, il y avait tout. Le problème des femmes, ça leur échappait, ça c'est sûr. Et ce qui m'intéresse à vous dire, c'est que quand j'ai rencontré les copains après qu'ils ont été avec moi dans les comités, quand je leur ai parlé de ce secrétariat féminin, il y a une amnésie totale. Personne ne s'en souvient. Même celui qui était secrétaire de la fédération locale, qui, quand il m'a vu alors qu'on était ensemble, il m'a dit, oh non, je dis comment non, c'est ma raison d'être, d'avoir parti de jeunesse libertaire. Et le hasard, parce que moi je cherche bien sûr, a voulu qu'un mémoire fait à Salamanque, par un jeune qui s'appelle Santa Maria. Voilà. Ça s'appelle le défi de la Trinité libertaire. Il a fait un truc qui dit le défi de la Trinité libertaire. Et la Trinité libertaire, alors il expliquait pourquoi les femmes, féminisme et antiféminisme dans le sein de l'anarchisme espagnol. Le cas des jeunesses libertaires. Ça ne pouvait pas mieux arriver. De trouver ça parce que je m'étais battue encore une fois avec tous les copains qu'ils avaient oublié alors qu'il y avait une secrétaire locale qui s'appelait Encarna Jiménez, que je m'en rappelais, celle de la tête du comité régional, il s'appelait Mercedes, mais j'avais oublié son nom, j'ai pas pu l'ajouter, mais Encarna Jiménez, certain qu'elle a été secrétaire de la fédération locale des jeunesses libertaires pendant en 37. Alors ça, j'ai trouvé ça en Espagne en cherchant autre chose. Et je dis ça alors. Parce que quand je parlais avec le copain, tu l'as rêvé ça. J'avais rêvé, alors qu'il doit exister dans les archives, les comptes rendus de toutes les réunions qu'on a fait à l'époque, ils doivent être Amsterdam sûrement. Ça, c'est sûr. Hein. Mais en fait, là, je n'ai pas eu le temps de m'en occuper. Hein. Ça, c'est tombé dans mes mains, ça m'a intéressé. Et dans tous les débats, je le dis, parce que bon, c'est un truc. Hein. Voilà, lui explique là, c'est tout en espagnol, il explique ce que je vous ai dit, qu'on pensait que dans le mouvement anarchiste, donc, il n'y avait pas de séparation de sexe, c'est homme et femme, être humain, qu'on doit avoir les mêmes droits, les mêmes devoirs, et le même droit de vivre comme tout le monde, sans être quand même soumis. ni les uns ni les autres. Alors ça, c'est pour vous faire voir que je ne me suis pas trompé. C'était un truc. Je vous signale, et ça je le dis entre parenthèses, qu'en Espagne, nous avons eu le vote en 1931, les femmes. C'est pas que je le revendique, hein, parce que je m'en fous de voter ou pas, mais enfin, les femmes, on les a considérées comme aptes à pouvoir voter en 1931 à l'avènement de la République. En Amérique, la femme a voté depuis l'année 1920. En France, en 1945, instaurée par Charles de Gaulle, dont la France de la Révolution française, la France si avancée, la femme, la France la parfaite, la femme a eu le vote en 1945 parce que Monsieur de Gaulle l'a instauré. Sinon, on serait peut-être encore là. En 67, loi de la contraception. En 74, loi de l'avortement par Simone Veil. Je parle de la France là, hein, par Simone Veil. En 1989, il y a eu des femmes contre l'avortement en Amérique. En 89, en Amérique. Alors qu'ils avaient eu le droit de vote avant. Alors, en 1926, il y a eu le vote de la femme en Finlande. En 1926. Alors, en 1973, et ça je le mets parce que c'est les Suisses qui me l'ont dit, les femmes suisses au canton fédéral l'ont acquis en 1991-92 en Suisse. Ça, c'est les femmes suisses que... Donc, c'est en 73 qu'ils me l'ont dit. Mais c'est certains cantons alémaniques. Je crois qu'elle l'avait eu plus tard qu'en France. Mais oui, après, il y avait des cantons où c'était, ils votaient. Il n'y avait cantons, que les hommes qui votaient. Des cantons où ils étaient encore retardés et que la femme ne comptait pas. Quoi. Alors, en 1937, le 20 août 37, première conférence nationale des femmes libres qui se transforme en fédération nationale. Donc, c'est en 1937 et c'est là que je suis rentré militer. Voilà, le local de là, j'ai mis pour celle qui voulait le demander, où il s'est trouvé, à Barcelone. Je fais des débats à la Griffe, à Lyon, etc., etc. Ça, je l'ai marqué parce que ça m'a paru intéressant. Ça, c'est pour toi que je te donne. Bon, quand on est allé donc, dans cette propagande qu'on a fait, on est parti et le contrasens qui se voit pour le fait que nous avons eu avec les copains de la CNT, qu'il n'y avait pas moyen qu'on fasse quand on faisait. Pendant la guerre, on a fait beaucoup de manifestes, beaucoup de tracts, beaucoup de choses. Et nous, c'était tout le temps métier, femme libre, on est d'accord avec vous. Le mouvement femme libre, il a été créé surtout, et c'est le seul qui existait, adressé à l'ouvrière, à la femme travailleuse. Parce que tous les groupes, ils sortaient un peu de la bourgeoisie, tu sais, tous les féministes. Et celui-là, il a été créé par ses compagnes qui étaient anarchistes parce qu'ils ont cru nécessaire d'expliquer aux femmes qu'il y avait un syndicat anarchiste et qu'il fallait combattre aussi pour la vie de tous les jours. Et c'est en étant dans un syndicat et en connaissant tout ça qu'il fallait le faire. Ce qui m'est arrivé à moi, par hasard. Moi, c'est par hasard que j'ai connu la CNT, c'est par hasard que je suis rentré. Mais je veux dire, ça a été préparé pour faire donc des débats, on avait des débats, on a fait des écoles d'alphabétisation, on a fait plein de travail, je ne peux pas vous les énumérer tous, mais ça a été, je vous ai dit, il y a eu 20 000 adhérentes dans toute l'Espagne, et la preuve que quand on a parlé du féminisme, on était déjà au courant des pilons l'ouvrette, nous les Espagnols. Je suis parti dans la région, et à ma grande surprise, j'ai trouvé toutes ces femmes. On les a laissés parler, on les a laissés libres de s'exprimer. On ne voulait pas leur imposer un truc pour, pour leur dire vous allez être femme libre, etc. Non, non. On les a laissés, qu'ils expliquent ce qu'ils ressentaient, ce qu'ils avaient et tout ça. Et comme on était préparé sur la femme travailleuse, la femme mère, enfant, parce que c'est un problème important aussi. La femme en tant que mère, la femme en tant que femme, en tant que ouvrière, en tant que travailleuse, etc. Tout ça, on l'avait par cœur. Et je trouvais des femmes extraordinaires, que je croyais que c'était des analphabètes, et ils nous ont donné des leçons de qu'il fallait comprendre. Ça a été... Alors ça, c'est... Celle-là, c'est une qui est sortie pendant... que Franco est mort, là, une des anciennes qu'on a fait, parce qu'on a créé une revue qui s'appelle Les Femmes Libres, et cette revue, ça a été un extraordinaire succès. Parce que le compagnon de Mercedes Thomas Posada, qui était sculpteur, il nous faisait des dessins extraordinaires, et comme tout était dédié à la femme, ça a eu un impact aussi très fort. Ça, ils l'ont fait après, en 77. Et ça n'a pas tenu, hein, ça n'a pas tenu, parce qu'il a monté 4 numéros. Et après... L'application a commencé à quelle époque? C'est là, 77. Non, mais en Espagne. Ah non, oui. En 36. En 36. De suite qu'il s'est créé, tout de suite on l'a fait. Et même moi, j'arrive pas à avoir une copie de nos revues. J'arrive pas. Il y en a dans certaines archives, mais on ne te les donne pas comme ça. Je suis allé à Barcelone et ils n'ont pas voulu que la sortir parce qu'il a dit qu'il risque de s'abîmer. Et ils n'ont pas voulu m'en faire une copie. Ils n'ont pas voulu. Il y a parmi toutes les femmes qui ont témoigné, il n'y avait plus personne qui avait d'archives. Non, non. Ah, nous, j'imagine quoi, ils ont passé la frontière et sont pas nous avons passé la frontière en 39. Et justement, je racontais que mon passage à la frontière, j'avais une serviette et j'avais gardé mes trésors. Et mes trésors, c'était mes papiers, mes photos. Et j'avais eu un compagnon qui est mort pendant le front, la photo, tout ce qu'on avait écrit sur lui et tout, et plein de choses intéressantes. Et on passe à la frontière. Et alors, à un moment donné, on s'est réunis, les femmes qui ont été des femmes libres. Ils nous ont prêté un camion pour partir quelque part. Je crois qu'ils sont partis à Paris. Mais il y en avait deux de camions. Et dans le premier, il y avait une copine qu'après je suis qu'elle était morte. Après je suis parce que j'ai cherché, je n'ai jamais trouvé, elle était morte. Et cette copine, elle a monté au camion et je croyais aller la rejoindre. Et j'ai jeté ma serviette. Elle l'a prise. Le camion y part avec ma serviette. Alors on est resté comme ça et elle m'a dit, on se reverra parce qu'on croyait que l'autre camion allait suivre. Mais l'autre camion n'a pas suivi. Donc il a pris une autre route. Et tous ces papiers, je les ai perdus. Tous mes archives, je les ai perdus à cause de ça. Cette compagne, elle a pris. Elle est morte sûrement tout de suite. Alors où c'est qu'ils sont passés, j'en sais rien. Et je le regrette énormément. Bon, mon passage à Femme à vivre m'a beaucoup aidé. Et il faut que je vois maintenant cet accueil que nous avons eu à Madrid et à Barcelone pour me rendre compte que l'impact y est toujours. Il y est toujours. Là, il y avait plein de compagnons, ce que j'étais étonné, parce qu'à l'époque, des fois, ils faisaient glisse, mais ils ne venaient pas. Plein de compagnons, et ils sont prêts à nous aider, mais soi-disant, hein, donc la mentalité a changé. Alors, ça me fait rappeler une anecdote, parce que ici à Marseille, à l'époque, avec des femmes... de la CNT française et des mouvements anarchistes. On avait fait à la vieille bourse du travail des débats aussi sur les femmes. Et je me souviens d'un compagnon qu'il nous écoutait très bien et alors il nous a dit après, nom de Dieu, libérez-vous les femmes pour voir si on se libère nous aussi, qu'on n'est pas encore libérés. Le compagnon qui disait libérez-vous parce que nous non plus ne sommes pas libérés. C'était pas à propos parce que il s'agissait de la condition de la femme vis-à-vis du même compagnon. Parce qu'on a été soumise, c'est vrai, on était prête à faire des enfants, à faire tout ça. Et quand une femme, elle est plus lancée. Ça, c'est le logo qu'on a fait après quand on a fait une réunion à Bordeaux. Hein, et il s'est créé un mouvement Femme Libre à Bordeaux, très important. Et depuis quelque temps, je ne sais pas ce qui se passe. Parce que j'ai plus de contact et la copine qui se chargeait, elle ne m'écrit plus, ni rien. Je crois qu'il a foiré. Hein. Pourtant, ça a été un truc que j'avais écrit quelque chose parce que ça m'a intéressé. Et voilà. Et là, il explique. Le logo, on l'a accepté à ce moment-là. Hein. Mais c'était en 85, je crois. C'est pas marqué la date hein? 88. À 88, pas, je dis. 85, c'est... 86, c'était le vidéo. Je m'excuse, mais je ne sais plus où j'en suis. Essaye de trouver une chute, là, pour que les questions fusent. Hein? Et elles vont fuser. Trouver une chute. Là. Tu fais une conclusion, puis après, on te pose des questions. Parle-nous de ton voyage en Espagne. Ah, ben voilà, le voyage en Espagne a été un accueil extraordinaire. Et je ne pensais pas y aller parce que j'étais très fatiguée. Et je ne me sentais pas de faire le voyage à Madrid. Juste à Barcelone encore, mais à Madrid. Et ça, il se trouvait... Ça marche toujours. Ouais, ouais. Il se trouve toujours que... Les copains de Barcelone, c'est les premiers qui ont été avertis, non? C'est moi qui les avertis. Mais ils ont tardé à préparer la présentation du livre. Alors que les femmes de Madrid ont fait l'honnête, mais... Et je ne voulais pas y aller parce que j'étais fatiguée, mais je me suis présentée comme ça, de surprise, très contente, parce que c'est des filles extraordinaires qui te reçoivent très bien. Et il y a eu une cohue des gens qui ont acheté le livre et qui sont venus à ma grande surprise, à table, je n'étais pas seule, hein, nous étions plusieurs compagnes. Tu n'as pas porté le... Ça, non, non, pas ça. Le machin où il y avait la présentation. Ça, c'est à Barcelone. Ça, c'est plus. Non, c'est pas à Barcelone, ça. Ça, c'est un truc qu'on avait fait pendant la guerre, mais qu'on a recopié après, si tu veux le voir, de nos travaux qu'on avait fait en tant que femme libre. C'est pas ça, c'est à Barcelone. Ça, c'est à Barcelone, ça. Toi, tu cherches Madrid. Et celui, je cherche celui de Madrid, parce qu'on avait pillé beaucoup. On était plusieurs. Peut-être que je l'ai, mais... Je suis un peu... fouillé. Bon, ça fait rien. Il y avait une écrivaine, une fille formidable qui nous a présenté, qui a écrit des livres à Barcelone. Elle est connue, très connue, Antonina Rodrigo. Il y avait une fille de la télévision qui est venue parler. Et il faut que je vous dise que ce groupe Anselmo Lorenzo, qui s'est marqué dans le livre, c'est un centre d'archives comme nous, au CIRA, et qu'il a eu. Il a été fondé après, et je vous dis qu'on a été pour beaucoup, pour que le centre Anselmo Lorenzo y soit fondé, parce que les Espagnols, nous avons créé beaucoup, on a beaucoup écrit, on a beaucoup publié, on a fait des livres, on a fait plein de choses, on publiait, on s'aimait, et on n'a jamais rien gardé. Et c'est pour ça, ma rentrée, et je fais un aparté au CIRA, quand je suis, on est bien court, m'a parlé des archives. Je me suis rappelé qu'en Espagne, on s'aimait beaucoup, mais on ne gardait pas beaucoup. Je me suis pris vraiment par cœur à comprendre qu'il faut garder, parce que sinon on ne peut pas parler de ce qu'on a vécu. Et là, je me suis rendu compte de toute l'erreur que nous avons fait, de publier beaucoup de choses, et de ne pas les garder comme ça aurait dû être. Alors, à Madrid, les filles, quand elles nous voient, et ça a pourquoi faire de nous, on est leur idole. Comme nous sommes les survivantes, il y a la compagne Conchita Liano qui habite à Venezuela, elle s'est déplacée du Venezuela pour venir à Madrid. Et c'est la seule qui reste comme fondatrice de Catalogne, parce que moi je ne suis pas fondatrice, je suis membre mais pas fondatrice. Et de Catalogne, il y avait elle et moi, il y avait l'écrivain, il y avait une historienne, il y avait. Je ne me rappelle plus, c'est qu'elle. Enfin, à Barcelone, oui, à Barcelone. À Barcelone, il y a deux historiennes avec moi qui sont venues le présenter. Et ça, ils l'ont fait avant que j'arrive de Barcelone, de Madrid. Et à la grande surprise, comme je vous dis, c'est ça qui m'a fait penser de faire ces débats et expliquer le mouvement pour que vous compreniez l'impact de ça. Et si la compagne de Montpellier, elle tient parole, elle a dit qu'elle va traduire le livre en français, ce qui serait une bonne chose pour que tous les copains français ils sachent moins ce que les compagnes ils ont fait, parce que c'est mieux que de le raconter comme ça avec part du quelles sont, tu peux dire quelles sont les personnes qui ont participé au livre? Vous êtes plusieurs. Ah, les personnes qui ont participé au livre, mais c'est marqué, mais les cinq que nous sommes, il y a moi, il y a Sara Berenguer, il y a Conchita Liano, il y a Conchita Guillén, c'est la belle sœur de Sara. Et c'est elle que j'ai connue avant Sarah, parce que Sarah est venue après aussi. Sarah, je la Conchita Liagno, je la connaissais avant, Conchita Guillén aussi. Et puis, qui c'est qui avait encore? J'ai vu dans les photos, il y a... Ah, qui encore? Antonia qui nous a un peu aidés, parce qu'elle a écrit des choses sur le livre, parce qu'elle a beaucoup d'archives. Ah ben, il y a tous les noms là. Il y a tous les noms. Et, bah, non, mais je te l'ai dit. Non, mais là, c'est celle qu'on a retenue. Mais ils ne sont pas vivantes. Il y a Soledad Estorra qui est morte. Il y avait, voilà, Gracia Ventura, Antonia Fontanillas, et Conchita Guillén, Pepita Campena, que c'est moi, les sous, Pepita Espu. Pura Pérez, elle est morte aussi. Donc, on reste, je vais te le dire, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je disais avec la même, c'est 6, on reste 6. Et ces 6, on s'est réunis donc à Béziers, là où elle habite Sarah, parce qu'elle est en, moi je ne suis pas bien, mais elle est en pire situation de maladie que moi. Elle ne peut pas se bouger, on l'a opérée plusieurs fois, enfin elle est en mauvais. Elle a une foi terrible, et elle travaille par téléphone et tout. C'est grâce à elle que le livre est sorti. Hein. Ah, c'est une fois, c'est pas vrai. Non, ça je le dis. Ça je le dis, c'est grâce à elle, avec tout l'effort qu'elle a, avec l'accord de toutes. Hein. Elle n'a jamais rien fait sans nous consulter à toutes, la personne que nous restons. Hein. Avant d'envoyer quoi que ce soit, elle nous a téléphoné tout le temps, j'envoie ça, est-ce que c'est d'accord? Le reste, les photos et tout, on était d'accord toutes. Hein. On l'avait déjà préparé. Mais les articles aussi, et puis certaines choses qu'elle a ajoutées, et bien... Ce que je trouve qui est intéressant, c'est les photos, hein, parce que tu as parlé tout à l'heure de grands succès de Mureres Libres, on voit le congrès là avec tout le monde, c'est ça. Prouve que ça avait quand même un sacré impact. Voilà, regarde. Non, mais là, c'est rien, ça. Parce non, que là, c'est une salle là, avec des centaines de personnes. Ah non, tu parles de... Non, oui. Je parle... Non, c'est la là, vous êtes le comité, mais là, il y a une assemblée où vraiment, ça montre que ça avait un impact certain. Ah non, l'impact, ça a été un grand impact, très important. Et je tenais à vous le dire exprès parce que je voulais surtout que vous ne l'abandonniez pas, ce livre. Ceux qui peuvent le dire, qu'ils l'achètent, parce que nous l'avons payé entre les 6. Donc, on est en dette. Les copains, ils l'ont payé, mais c'est nous qu'on a payé. Et maintenant, j'ai même écrit un article à Zenith et j'ai mis mon nom et celui de Sarah. Que si on veut des livres, qu'on nous le demande. Tu comprends pour... Et tu en as ici en stock en France ou il faut écrire en Espagne pour la vendre? Non, non, on les a. Sarah, surtout, la vient d'en recevoir d'autres. Donc elle en a plein. Moi, il m'en reste 3 ou 4 maximum. Hein. Les 45 que j'avais, je crois que je les ai vendus tous. On m'en avait envoyé 45 et il m'en reste presque plus, mais j'en ai encore 3 ou 4, je crois. Et j'ai écrit un article à Zenith pour te dire que. Il nous aide donc à pouvoir rentrer dans l'argent que nous avons mis, parce que nous sommes toutes de petites retraitées, on n'a pas beaucoup d'argent. Et quand on va faire les comptes, on va être tous autre que. Comment on dit ça? Comment on dit ça quand on. Endetté. Bon, qu'est-ce qu'il faut que je vous raconte? À moins que vous vouliez. On peut poser des questions. Vous m'avez posé des questions, et ça sera mieux que je vous réponde que ne pas vous raconter l'impact. Pour moi, ça a été une découverte. Je suis devenue féministe, sans être féministe, comprenez-moi, parce que j'ai compris, et surtout quand j'ai vu que les copains, ils nous ont fait la guerre, qu'ils n'ont pas eu moyen de... Alors que personnellement, et je vous raconte, tu as vu, je raconte que personnellement, comme je suis rentré, il faut que je vous explique, je suis rentré au syndicat, j'avais 14 ans. Et on m'a appelé la petite. Et je suis rentré par hasard, parce qu'à l'époque, les comités... Les syndicalistes, d'abord je l'ai un peu raconté ça, ils étaient tous emprisonnés à la prison, ils étaient ici, tous. Alors à ce moment donné, ils ont ouvert le syndicat, et tous les jeunes syndicalistes qui sont rentrés, qui sortaient des prisons, ils sont allés faire le prosélytisme là où il y avait la jeunesse. Et la jeunesse à cette époque des années 30, c'était dans les balles, ce qu'on appelait les balles de société. On se retrouvait, c'était des sociétés, tu vois, on dansait, il y avait une musique, etc., etc. Et il se trouve qu'ils sont venus là où j'étais, moi. Et j'avais un groupe de jeunes que je connaissais, parce qu'ils s'adressaient surtout aux hommes. Hein. Aux femmes, ils n'osaient pas. Mais moi, comme j'étais jeune et en plus très curieuse, entrometida, comme on dit en français, entrometida. Comme on dit, entrometida. Entrometida. Extraverti. Non. Si. Si, ça veut dire que tu parles beaucoup aux gens. Elle dit intro. Mais non. Entrometida. Entrometida, c'est-à-dire je m'avance beaucoup. Comment on dit? Voilà, mieux qu'être averti quand même. Bon, j'ai vu le groupe qui arrive là-bas, c'était mes copains à moi. Et je disais, comment, pourquoi ils parlent et nous, on n'y est pas là. Je suis allé directement. Je dis, est-ce qu'on y a droit, les femmes? Ils m'ont dit, si tu veux, bien sûr. Ah, je dis, mais je veux savoir de quoi vous discutez. Alors, et ils nous ont dit, nous sommes de la CNT, nous sommes des syndicalistes, les syndicats viennent d'ouvrir. Et on voudrait que vous assistiez à une assemblée générale pour que vous vous rendiez compte, etc. J'ignorais à l'époque que les syndicats étaient de branche. J'ignorais que les assemblées générales, bon, on avait quand même à être adhérents pour pouvoir discuter, etc. Mais à l'époque, les copains, ils aimaient quand on parlait, qu'on n'était pas adhérents, ça ne fait rien, ça les intéressait. Alors on y est allé, et il se trouve que c'était les syndicats des métaux, dont les syndicats de mes copains qui étaient tous mécaniciens. Alors je ne savais pas que c'était, alors je suis coulé dans ce syndicat pendant longtemps, parce que l'assemblée m'a beaucoup plu, ça m'a intéressé, je me suis retrouvé à ce que moi je cherchais. Et je reste là, et puis un beau jour, il y a un copain qui me dit, un vieux copain, parce que je suis coulé dans le syndicat et tout, il me dit, petite, tu travailles toi? Je lui dis, mais bien sûr que je travaille, j'ai commencé à 11 ans à travailler, à 11 ans. Alors, je dis, je travaille, qu'est-ce que tu fais? Je suis couturière. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais ici, au syndicat des métaux, couturière? Alors que, il dans, dans ton syndicat, tu ferais autant de travail, plus qu'ici. Alors, je dis, ah, je ne sais pas, je ne savais pas qu'il y avait des branches. Alors, il m'a informé, il m'a fait un aval, comme on dit ça. Une lettre de présentation. Et il m'a dit, va vite à ton syndicat et apporte cette lettre. Et c'était pas loin, hein, c'était pas loin. J'avais quelques deux rues à monter et j'étais là-bas. Écoute, là, ça a été mon premier militantisme de syndicaliste. Vraiment, c'était le moment, ce que je cherchais moi, personnellement. Parce que bon, au syndicat des métaux, je n'avais rien à y faire, puisque ce n'était pas mon syndicat. Je faisais que circuler là-bas, mais rien. Mais dans mon syndicat, il m'a pris un copain. Et il a commencé à m'apprendre ce que c'est que le militantisme des syndicalistes. Et j'avais 14 ans. Et pour que je l'apprenne beaucoup, quand ils allaient, parce que ça se passait comme ça, quand il y avait des grèves, c'était une commission de syndicats CNT, à 3 ou 4, ils allaient voir le patron pour régler le différent qu'il y avait avec les ouvriers. Et je t'assure que c'est une grande expérience, parce qu'on ne faisait pas comme ici. Hein. C'était le syndicat, les compagnons de syndicat qui allaient voir le patron et dire ça, il faut se régler. Des fois, on a été violents, c'est vrai, mais ça ne fait rien, on avait gagné. Et ils me menaient avec eux pour que je ne voie pas comment ça se passe. Donc, j'ai commencé mes pas de syndicaliste là, et c'est donc, il est venu la révolution, etc. Et tout est venu, on m'a appelé la petite. Et je suis resté comme ça, la petite. Hein. Dorothy aussi m'appelait la petite, parce qu'il était du syndicat des métaux, lui. Et quand je montais, quand il y a eu la révolution, qu'on allait au front, je fais comme tout le monde, je sautais au camion, et je voulais aller au front, aussi comme tout le monde. Alors je saute, et puis il me dit, oh, petite, qu'est-ce que tu fais ici? Je lui dis, je vais avec vous au front. Il m'a dit, non, tu ne viens pas au front. D'abord, tu es trop jeune, pour commencer, il m'a dit. Et deuxièmement, si nous partons tous, ça va être la débandade ici. Il faut qu'il reste des compagnes qui soient bien préparées pour que les choses se passent autrement. Et il avait raison. Après, je me suis aperçu du bien fondé de ce qu'il disait. Qu'il y a eu plein de travail, heureusement, parce que moi, je suis allé travailler aussi à la fabrique de guerre, parce qu'il y avait des problèmes qui se posaient dans les fabriques. Et comme je t'ai connu en tant que militante, ils m'ont envoyé travailler pour qu'on règle pour la question des syndicats. Tu vois. Ça fait que couturière, je suis quand même été métallurgiste, sans le boulot, et en plus je mettais le truc dans les bombes quadrillées. Tu sais, pas la couleur. Il y avait un contest en haut, et alors il y avait une espèce de chenille à mettre, tu vois, et mon travail c'était de la bière à mettre comme il faut. Un travail difficile, et il ne fallait pas faire de. de sabotage. Voilà. Parce que si quand les copains allaient prendre et mettre la poudre, la truc qu'on mettait, c'était pas bien mis, il risquait d'exploser d'avant. C'est arrivé. Et voilà mon cheminement de militante. Dans les femmes libres, je suis restée jusqu'à la débâcle en 1939, hélas. Hélas, un mauvais souvenir. Parce que on a passé la frontière. Et je vous signale qu'on avait fait de l'alphabétisation chez les femmes libres. Et nous, quand j'ai sorti 11 ans de l'école, vous pourriez bien comprendre que je ne connaissais pas la moitié des choses. Donc j'ai appris avec eux. C'est eux qui m'ont enseigné. Et c'est elles qui m'ont enseigné. C'est-à-dire que c'est grâce à eux que j'ai acquis une connaissance. Par volonté propre, bien sûr, un autodidacte, pour essayer de m'avancer et d'acquérir la culture que je n'avais pas eue aux écoles, que ne nous en donnait pas. Parce qu'on avait à faire ça, et c'est tout. Mais dans les Athénées, là, Mourires Libres, ils organisaient des Athénées ? Des cours ? Ah oui. Mais sur quel sujet ils étaient ces cours ? Ah, mais tous les sujets. Écoute, on lisait, on nous faisait lire, et ça c'est une grande enseignement, hein. On nous faisait lire des livres. Et surtout, j'ai lu, à l'époque, tous les livres des grands auteurs français. Que ce soit Jean-Jacques Rousseau, que ce soit Émile Zola, Balzac, enfin les grands de l'époque. En espagnol, bien sûr, parce que je ne savais pas le français. Mais je vous dis ça parce que par la suite, ça a eu une écho, ça. Et on lisait un livre, et tout le monde lisait le même. Et après, dans ces débats, quel enseignement important on reçoit quand chacun explique comme il a reçu ce livre. C'est ça l'important. Parce que bon, on lit tout le livre, mais tout le monde ne ressent pas la même sensation en le lisant. Alors là, on s'est trouvé avec plein de gens qui n'avaient pas le même concept que nous quand ils avaient lu le livre. À moi, personnellement, ça a été un grand enseignement. Un grand enseignement. Ça m'a appris. Et après, j'étais très contente quand j'ai appris le français de lire les mêmes livres dans le texte. Parce que c'est pas pareil. Hein. Ça change. Hein. Les traductions, ça n'a pas la même valeur que quand tu le lis sur le même texte. C'est un enseignement. Et à ce sujet, justement, je vais vous raconter une anecdote que je raconte toujours. Parce que ça m'a beaucoup marqué. Dans l'accueil des Français en France. Bon, on allait, il y a deux gendarmes, et je les suis parce qu'ils étaient Français. Mais ils parlaient catalan, c'était en Catalogne. Alors, filiation, comment vous appelez-vous, etc., etc., signé. Alors, il y en a un qui lui dit, un gendarme à l'autre, oh, méprisant, je n'oublierai jamais ça. Qu'est-ce que tu vas lui demander? Tu ne sais pas que ces Espagnols, ils sont tous des ignorants et des analphabètes. Imaginez-vous l'impression que ça m'a fait à moi. Moi, je l'ai regardé, et comme c'était en catalan, je lui ai répondu. Et je lui ai dit, écoutez, monsieur, en France, vous avez un auteur qui s'appelle Victor Hugo, et son père était un général, qui l'avait raconté, je l'avais lu tout ça, hein. Son père, qui était général, avait dit que l'Afrique commençait au-delà des Pyrénées. Mais ce que vous ignorez, vous, ignorant que vous êtes, je lui ai dit, c'est de ce côté-ci des Pyrénées, pas de l'autre où je viens. Ah, mais c'est comme ça, je l'ai méprisé, mais alors pareil, il m'a méprisé. Je l'ai méprisé. Alors, la seule réponse qu'il a à me dire, allez, la grande troupe que tout le monde a connue après. Allez, c'est le mot que les gendarmes nous disaient à tous les réfugiés espagnols. Bon, allez, alors, imaginez-vous, c'est la première offense. La première offense, l'humiliation terrible que j'ai reçue en passant la frontière, la première. D'autres aussi par la suite, mais celle-là, ça a été énorme parce que nous traitent d'ignorants et des analphabètes. C'est vrai que les gouvernements espagnols avaient négligé le peuple, mais ce n'était pas la faute des gens. C'est la faute des gouvernements fascistes et tout qu'il y avait, des catholiques, et militaires, etc., etc. Pas de paille, rien. On arrive à Clermont-Lérault, je suis allé atterrir à Clermont-Lérault par hasard, parce qu'on était à Perpignan, quand ça s'est passé ça, on nous a mis dans un train, et le téléphone arabe, il fonctionnait très bien. D'un côté et de l'autre, on savait qu'il y avait des trains qui partaient vers l'Espagne contre la volonté des gens. C'est-à-dire les Français, ils ont fait ça, ils ont mis des trains en les envoyant en Espagne sans la volonté des gens qui étaient dedans. Attention. Alors on était déjà prévenus. On disait, oh, si on prend un train et ça part du côté de la frontière, on saute, hein, parce qu'on savait que si on allait là-bas. Moi, je sais que je ne vous raconterai pas tout ça parce qu'ils sont allés chercher mon père et il a fait la prison à cause de moi. Et heureusement que j'avais un oncle qui était fasciste qui l'a sorti. Autrement, je ne sais pas ce qui serait arrivé. Le piston. Oncle, c'était, on dit oncle, c'était le cousin germain de mon père. Le cousin germain, ils étaient cousins par leur mère. Et il était fasciste, mais pas un fasciste sanguinaire quand même. Hein. C'était un fasciste à qui on pourrait encore parler, parce que je parlais avec lui après. Et on pouvait discuter. Mais enfin, non, il faut le faire à la part des choses. On peut parler avec des gens dont on n'a pas les mêmes idées. Et sans être dans les mêmes idées, tu lui dis les choses et puis ça reste comme ça. Et on va clairement. Mais bon, on arrive, il n'y avait rien. On nous met dans un trou viticole où il y avait eu le garage pour les vins, ils transportaient le vin. Partout, on était 1000 personnes, avec enfants, femmes et enfants, hein, femmes et enfants. 1000. Alors ils passaient les rats, tu sais, il y avait des ouvertures, ils passaient les rats. À même le sol, sans paille, sans rien. Et on se demandait, mais où nous sommes ici? Qu'est-ce que c'est, cette histoire? Alors, voilà, qu'est-ce que c'est? Alors moi, toujours la révolte, moi j'étais révoltée. Alors, il arrive le lendemain, le maire, pour voir si nous étions bien. Et il y avait une copine à moi qui avait été à Alger, et elle parlait le français, et elle nous faisait la traductrice. Alors moi, j'en avais tellement... Et cette copine, c'est celle qui était avec moi, et parce qu'on s'est réunis cinq copines de toutes de la CNT, pour se mettre d'accord que dans le cas où nous envoyait ailleurs, de faire à la révolte, sauter du train, ou enfin nous révéler, quoi. Et elle parlait français. Alors elle fait, et elle me dit, il demande qu'est-ce que vous avez besoin. Alors je la regarde, je lui demande de ce que nous avons besoin. Alors je lui dis, tu lui diras que s'il s'aperçoit que 800 personnes avaient des enfants, on peut coucher par terre, sans paille, sans rien. La première chose que j'ai dit au bon homme. Après on a été des grands amis, hein. Ben, je dis, c'est pas, il ne s'aperçoit pas que c'est le sol ici, il y a des enfants et tout. Et ça, alors bon, aïe, et lui-même après, il s'est justifié, il a fait porter des pailles, même pour nous chauffer et tout, parce que je vous rappelle que si vous faites des témoignages des gens de 1939, ce qui ressort le plus, c'est le froid. Le froid dans tous les témoignages. On a souffert, je l'ai encore dans ma peau quand j'en parle. De ces froids terribles qu'on a souffert. C'est quelque chose d'inimaginable, ces froids qu'on a souffert. Bon, après, la présidente de la Croix-Rouge, elle nous demandait qu'est-ce que vous voulez, etc. Ça, ils l'ont fait quand même. Hein. Et quand elle arrive à moi, il me dit qu'est-ce que je veux. La blessure que j'avais reçue à la frontière de ces gendarmes, je l'avais encore là. Alors, spontanément encore, parce qu'après, je réfléchis, je dis peut-être que les gens. Ils ont cru que tu le faisais pour te faire ami avec le maire, alors que ce n'était pas le cas, hein, moi c'était moi. Hein. Alors je dis, moi je veux un dictionnaire français-espagnol. La première chose que je demandais. Tout le monde demandait du savon, du dentifrice. Moi je m'en foutais, on avait un tuyau d'eau dans la cour, et même qu'il faisait froid, on se lavait, on était jeunes, plein d'alent, on se lavait et je m'en foutais du dentifrice, hein, je mettais de l'eau là et voilà. Alors je dis, je veux un dictionnaire en français-espagnol. C'est mon homme, il a été tout surpris, parce qu'on était 1000 et j'étais la seule à demander le dictionnaire français-espagnol. Je crois qu'il a cru, mais je ne sais pas. Non, parce qu'après on est parlé avec lui. Non. Inutile de vous dire que enfermé, sans pouvoir sortir, ni rien, ce dictionnaire, je me le suis fait jour à jour, et avec les agents qu'il y avait, je leur demandais, parce qu'il y avait des trucs qui m'échappaient, je me suis acharné. Et je dis, il faut que je me défende et que j'apprenne le français pour me défendre. Pas pour savoir le français, pour me défendre. Et au bout de 3 mois, je ne savais pas trop le parler, mais je le comprenais tout. Ça fait que quand le maire ou le commissaire, il venait nous donner des avis, je disais, ma copine, c'est pas là, pour moi, c'est pas la peine que tu traduises, j'ai tout compris. Et elle m'a dit, mais pas possible, j'ai dit, oui, tout compris. Alors je me suis mise à écrire, j'ai appris le français, j'ai acharné. À l'apprendre, bien sûr que je ne parlais pas comme maintenant, c'est normal, non? Parce qu'après j'ai vécu dans ces villages et j'ai eu des problèmes parce que je disais des mots que je traduisais littéralement de l'espagnol et c'est des mots que les ouvrières n'avaient jamais employés. Mais nous, comme on était dans les syndicats, par exemple, colloque, une fois je leur ai dit, regarde, il y a le patron qui est en colloque avec la telle. Il y en a une, qu'est-ce que tu as dit? Je dis en colloque. Et je l'avais traduit directement de l'espagnol. Je savais, après je suis resté bête, je dis peut-être que tu as dit une connerie, je ne savais pas. Je dis écoute, je vais manger à midi, je vais voir, parce que comme il y avait toujours mon dictionnaire. Demander s'il y a une question. Oui, tout à l'heure. Tout à l'heure. Je tiens à raconter ça parce que ça m'intéresse. Et si ça vous fatigue, ben, on s'arrête. Et vous posez des questions. Il y a sûrement des questions. Eh bien, allez. Non, moi j'en avais une parce que il y a quand même une sacrée contradiction. D'après ce que tu dis et ce que j'ai lu, j'ai l'impression qu'il y a quand même un gros conflit entre la CNT et Moreres Libres. Parce que vous, d'un côté, vous battiez contre. On le voit dans le livre. Vous battiez contre la prostitution. Et puis j'ai lu un bouquin là, qui est paru récemment qui s'appelle Carnet de la guerre d'Espagne. Et dedans, on dit que les prostituées s'étaient regroupées en syndicats affiliés à la CNT. Le bordel n'avait pas du tout été fermé. Les bénéfices étaient partagés. Ça, je voulais savoir qui l'a écrit. Attends, je finis. Tu me laisses finir. Les bénéfices étaient partagés de façon égale. Et il y avait une pancarte. Vous êtes priés de traiter les femmes comme des camarades sur ordre du comité. Et bon, ça, c'est deux témoins d'époque. Attends, mais. Je ne connais pas. J'ai un autre témoignage. Sur le front, les prostituées allaient sur le front. Et ça gênait pas trop les responsables de la CNT, quoi. Et d'un autre côté, alors je comprends qu'il y ait eu beaucoup de conflits, parce que d'un côté, les hommes de la CNT continuaient à aller voir les prostituées et tout ça, et vous... Mais pas que les hommes de la CNT, les hommes. Les hommes. En général. Mais parmi les hommes en général, les hommes de la CNT, et vous, de votre côté, vous battiez pour la vraie libération de la femme, donc qui passe évidemment par la suppression de la prostitution. Mais exactement. Voilà. Mais j'en ai connu une, qu'elle s'est libérée complètement, oui. Et a été une compagne excellente. Elle s'est unie avec un compagnon, et elle a été quelqu'un d'extraordinaire. Elle a quitté la prostitution, je ne m'en suis pas occupée de ça. Hein. Mais c'est vrai qu'on me l'a dit qu'il y avait un syndicat. Et je ne l'ai jamais su, moi, qu'il y avait un syndicat de la CNT. Moi, je ne l'ai jamais su. Tu l'as su, toi, qu'il y avait un syndicat de prostituées de la CNT? Ah, c'est fabuleux, ça. C'est grandi, ça. Il y a eu un syndicat de spectacles. De variété et tout ça. Ah oui, des artistes de musical. De musical, voilà, de musical. Mais pas de prostituées, quand même. Ça, je le nie complètement. J'ai jamais connu le syndicat de la prostitution. Ça, personnellement. Justement, ça a été combattu de suite. On ne peut pas autoriser, mais c'était clandestin. On ne peut pas empêcher, par exemple, le prostituer tout au bout, dans le jour de la semaine, de venir la femme honnête. Alors tu le savais quoi? Ça je l'ai jamais su, hein. Je ne peux pas vous informer, je ne l'ai jamais su. Non, ça peut être effectivement. C'était pas. Tu veux dire interdit par la direction de la CNT? Par le comité régional de la CNT en Catalogne, par exemple, avait interdit, avait aboli la prostitution. Voilà. Est-ce qu'il l'avait vraiment aboli? En Catalogne, il avait interdit la prostitution. Le comité régional de la CNT? Non, il y avait le gouvernement. Le gouvernement, la généralité, alors tu veux dire. Ah d'accord. Oui, c'est-à-dire après, il y avait la compagnie, quoi, qui était. La compagnie responsable de la santé, de l'éducation et tout ça. C'était interdit complètement la prostitution. Dans le disparu syndical autorisé pour la. Là, c'est pas vrai. Quelle source, ça? Quelle source? Ça s'appelle Carnet de la guerre d'Espagne, Marie Lowe et Juan Brea. Comment? Marie Lowe, c'est une Anglaise, et Juan Brea, il doit être espagnol, et c'est un couple qui a C'est un peu un témoignage qui ressemble un peu au texte d'Orwell, je ne sais pas si vous connaissez. C'est vraiment très spontané, c'est un couple qui dit ce qu'il voit dans la rue, tout ça. Non, mais c'est possible. Et il y a une page où il dit qu'ils ont vu un bordel et qu'ils sont rentrés dedans. Alors bon, syndicat, il n'y en a pas eu. Non, c'est à Barcelone, ça se passe. À Barcelone, ils ont relevé cette époque. Alors, soit c'est peut-être des menteurs, je ne sais pas, mais moi, le reste du bouquin m'a paru très sincère. Et donc, ici, ce texte, vous êtes prié de traiter les femmes comme des camarades, signé sur l'ordre du comité. Intéressant. Et d'autres témoignages, c'est vous allez dire qu'il n'est pas ceci. Vous allez peut-être dire aussi que c'est un menteur, c'est Ressus Arnal, c'était un curé qui a servi de secrétaire à Durruti et qui a écrit ses mémoires. Il était aragonais et ça s'appelle Yo Fui Secretario de Durruti. Et donc lui, il parle des prostituées sur le front. Et alors il cite quelque chose, c'est que les maladies vénériennes étaient très très développées sur le front. Donc il prouve que les hommes ne se gênent pas. Oui. Ce qui prouve qu'il y avait aussi des prostituées sur le front. Attends, je finis, mais vous pouvez nier. Moi, je sais rien, j'y étais pas, moi. Mais il y a des gens qui racontent des témoignages. Non, attends. Et Durruti s'était inquiété de ce problème, avait créé des infirmeries, des centres de prévention des maladies vénériennes. Et à tel point, et le centre était très fréquenté parce qu'il y en avait qui voulaient plus se battre et qui étaient tombés très malades pour aller là, quoi. Et à un moment, Durruti a dit, bon, les femmes, on les renvoie toutes à l'arrière. Oui, ça, c'est vrai. Il parle des miliciennes. Alors, je ne sais pas si les prostituées... Bon, il y a une confusion, là, dans le texte, n'est pas très clair, parce qu'il y a les miliciennes et les prostituées. Et on met les femmes dans un train, elles repartent toutes à Barcelone. Bon, après, elles sont revenues, et le problème des maladies vénériennes avait diminué légèrement, mais existait toujours. Ça, c'est tous ceux qui veulent trouver des... Récemment, mais je veux pas. Non, le problème, je vous attaque pas du tout. Je comprends que Federica Manzini se soit attaqué et que vous soyez attaqué au problème de la prostitution. Mais moi, je maintiens. Je suis sûr qu'elle existait toujours parce que les hommes sont des hommes. Tu l'as dit toi-même. Et puis c'était la guerre aussi. Donc sur le front, il y avait des hommes tout seuls, pleins comme ça. Voilà pourquoi faire. Mais pourquoi il faut être attentif tout le temps à tout ce qui sort dans les journaux et même dans les livres. Quel est-il ? Nous autres, on a rectifié déjà à deux ou trois. Ici à Marseille, sur le Provençal, et dans le livre. Ah, c'est vrai. Aussi. Mm-hmm. Alors c'est pour ça, parce que ça, je l'ai entendu déjà deux fois. Oui, ça, c'est qu'il y avait un syndicat de prostituées. Où tu as vu ça ? Non, mais celui qui l'a appelé tête. D'abord, nous, la révolution radicale, comme c'était la nôtre, non, que ça n'a pas duré, mais c'était la partie radicale, il n'y a pas question là. Alors, les femmes de la vie, c'est là qu'on les cherchait du travail, ils allaient travailler. Oui, mais c'est ce qu'on faisait. Mais qui, d'elles-mêmes, ou parce que le bordel avait été fermé par... Non, mais c'est le libératoire des prostitutions, justement. Comme je te dis, il y avait un syndicat de musicales. Oui, d'accord. Parce qu'il y avait beaucoup de musicales. Oui, bien sûr. Il y a les spectacles, les musicales, sessions musicales. Mais il se lève de la tête, ça, parce que j'ai... Oui, le syndicat des spectacles existait, bien sûr. Non, mais ce qui s'est peut-être passé, c'est que dans un bordel, dans une rue, les femmes se sont peut-être organisées entre elles aussi. C'est lui qui le lance, il sait que quelqu'un il l'attrapera. Mais pourquoi les femmes... Il y a intérêt toujours à perdre les choses. Pour conclure, quand il était à la cour de Durruti, qui était comme à moi, est-ce qu'il y avait des prostituées à la cour de Durruti? T'es ablati. Est-ce que tu as mis de prostituées à la colonne de Durruti? Lui, il n'a pas eu le droit de voir aucune des femmes. Qui était à la colonne de Durruti? Avec moi. J'étais à la colonne de Durruti. Oui. Est-ce que tu as vu des prostituées à la colonne de Durruti? Moi, je ne l'ai pas vu. Vous étiez au front d'Aragon, vous étiez sûr? Oui, bien sûr. Ceux qui font J'écoute, moi. Au début, je vous ai raconté que quand je montais... Ne parlez pas tous ensemble parce que le débat est intéressant. Il y a eu une impression dans les forêts de l'embarquement vers le front. Ne parlez pas trop longtemps. Ah, si vous faites un dialogue, ça ne va pas, ça. Et non. Parlez chacun à votre tour. Approchez là, les dames. Mais ça a duré que des jours. Deux jours. Après, on les a vidés toutes. Ils n'ont pas allé à la ligne, c'est pas vrai. D'accord. Ils étaient presque à la ligne, mais pas à la ligne. Ouais,